The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To want. Vouloir. To drink. Boire. Something. Quelque chose. Ok. D'accord. To take. Prendre. To drink. Boire. Alcohol. L'alcool. Now, a bit faster. Alcohol. L'alcool. To drink. Boire. Ok. D'accord. Something. Quelque chose. To drink. Boire. Alcohol. L'alcool. To drink. Boire. Ok. D'accord. To want. Vouloir. To take. Prendre. To drink. Boire. Alcohol. L'alcool. Now, use the words in context. Vouloir. I want a Perrier. Je veux un Perrier. Boire. I am drinking a Coke. Je bois un Coca. L'alcool. It is an alcohol-free beer. C'est une bière sans alcool. Quelque chose. Buy something. Achète quelque chose. Boire. I am drinking a Coke. Je bois un Coca. L'alcool. It is an alcohol-free beer. C'est une bière sans alcool.